La semaine se passa de même. Sylvie née allant voir Landry tous les jours, et Landry s'arrêtant avec lui un moment ou deux quand il venait du côté de la Bessonnière. Landry, prenant de mesure mieux son parti, Sylvie née ne le prenant pas du tout et comptant les jours, les heures, comme une âme en peine. Il n'y avait au monde que Landry qui put faire entendre raison à son frère. Aussi, la mère eut-elle le recours à lui pour l'engager à se tranquilliser, car de jour en jour, l'affliction du pauvre enfant augmentait. Aussitôt qu'on n'avait plus les yeux sur lui, il s'en allait tout seul et se cachait si bien qu'on ne savait où le prendre. Et alors, il ne pensait qu'au temps passé et se consumait dans une rêvasserie continuelle. À des fois, il s'imaginait voir et entendre son Besson, et il causait tout seul, croyant lui répondre. Ou bien, il s'endormait, là où il se trouvait, et rêvant de lui. Et quand il se réveillait, il pleurait d'être seul, ne comptant pas ses larmes et ne les retenant point, parce qu'il espérait qu'à fine force, la fatigue userait et abattrait sa peine. Comme il s'était aperçu que Landry n'aimait pas le voir venir sur le jour, à cause qu'il craignait de fâcher son maître en le laissant retarder, il se contenta de le regarder de loin pendant qu'il travaillait et ne se fit bien voir à lui. Il aurait eu honte de confesser quelle idée l'avait fait accourir. Il s'en retourna sans maudire et sans en parler à personne que bien longtemps après. Comme il devenait pâle, dormait mal et ne mangeait quasi point, sa mère était bien affligée et ne savait que faire pour le consoler. Et le père Barbeau, sans lui rien dire, essayait de persuader au père Caillot de prendre les deux Bessons à son service. Mais le père Caillot lui répondit une chose dont il sentait la raison. Un supposé que je les prendrai tous deux pour un temps. Ça ne pourrait pas durer, car là où il faut un serviteur, il n'en est pas besoin de deux pour des gens comme nous. Soyez plus raisonnable que cela, mon vieux, et ne faites pas tant attention au caprice d'un enfant que votre femme et vos autres enfants ont trop écouté et trop câliné. Le plus fort est fait, et croyez bien qu'il s'habituera au reste si vous ne cédez point. Le père Barbeau se rendait et reconnaissait que plus Sylvie née voyait son Besson, tant plus il avait envie de le voir. Il se promettait, à la prochaine Saint-Jean, d'essayer de le louer, afin que, voyant de moins en moins Landry, il prit finalement le pli de vivre comme les autres et de ne pas se laisser surmonter par une amitié qui tournait en fièvre et en langueur. Mais il ne fallait point encore parler de cela à la mère Barbeau, car, au premier mot, elle versait toutes les larmes de son corps. Elle disait que Sylvie née était capable de se périr, et le père Barbeau était grandement embarrassé. Landry, étant conseillé par son père et par son maître, et aussi par sa mère, ne manquait point de raisonner son pauvre Besson. Mais Sylvie née ne se défendait point, promettait tout et ne se pouvait vaincre. C'est qu'il était poussé, dans le fin fond du cœur, une jalousie terrible à l'endroit de Landry. Le pauvre enfant se mettait en l'esprit un souci que, devant, il n'avait eu, à savoir qu'il était le seul à aimer et que son amitié lui était mal rendue, que cela avait dû exister de tout temps, sans être venu d'abord à sa connaissance, ou bien que, depuis un temps, l'amour de son Besson s'était refroidi parce qu'il avait rencontré par ailleurs des personnes qui lui convenaient mieux et lui agréaient beaucoup.